Nous ne pourrons pas étirer notre vie en dehors du cadre que le Père Céleste a prévu pour elle, même si nous essayons. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Notre société matérialiste fonctionne sur le principe de création des besoins. En effet, chaque innovation ou produit de consommation est conçu pour nous rendre insatisfaits de notre condition de vie actuelle. Or, peu importe le nombre d'objets dernier cri dont nous faisons l'acquisition, les possessions matérielles ne nous procureront jamais la plénitude recherchée. Dans l'émission d'aujourd'hui, à En Contact, Charles Stanley nous rappelle que le meilleur remède contre l'anxiété consiste simplement à comprendre que les possessions matérielles ne nous procureront jamais le bonheur, car la paix intérieure vient de notre relation avec Jésus-Christ, et si nous apprenons à nous concentrer sur le Seigneur plutôt que sur les circonstances, nous trouverons la cure à toutes nos inquiétudes. L'anxiété n'est pas seulement une émotion comme les autres. Quelquefois, elle peut constituer une émotion excessivement douloureuse et qui peut, de plus, détruire complètement la vie d'une personne si on ne fait rien pour l'apaiser. Pourtant, nous avons tous déjà éprouvé de l'anxiété. Elle peut puiser sa source dans un éventail varié de raisons. Cependant, peu importe son origine, Dieu sait comment gérer notre anxiété. Et dans sa parole, son Fils Jésus-Christ nous parle des inquiétudes qui peuvent la générer. Il nous apprend comment régler la question. Veuillez tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6. Nous y trouvons un des enseignements les plus fameux du Messie, le sermon sur la montagne. Comme il en a l'habitude, Jésus utilise des images simples comme celles des oiseaux, des lys et de l'herbe pour nous enseigner une leçon d'une grande sagesse. Dans ce cas-ci, il nous parle des inquiétudes. Remarquez bien qu'il nous faut bien comprendre que ces paroles ont été dites il y a de cela 20 siècles. Il ne faut donc pas se surprendre si les sujets d'anxiété de cette époque ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Or, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que les principes demeurent les mêmes. Il nous est donc facile d'en trouver l'application dans notre vie présente. Jésus consacre une dizaine de versets à ce sujet d'une importance vitale pour ses interlocuteurs d'alors comme pour ses lecteurs d'aujourd'hui. Lisons Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Nous aimerions tous être d'accord avec cela. À chaque jour suffit sa peine. Nous entendons sans cesse Jésus répéter « N'ayez pas peur, ne craignez rien, ne vous laissez pas emporter par l'anxiété », car il savait qu'il s'adressait à des personnes rongées par les soucis de la vie. Bien sûr, quand on se penche sur leurs motifs d'anxiété, on peut penser « Cela ne me concerne pas, car je n'ai pas à m'inquiéter des vêtements, ma garde-robe est pleine, je n'ai pas à m'inquiéter du manque d'eau, car elle est gratuite dans mon pays ». Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je mangerai. J'ai de bonnes réserves de nourriture. Si vous vivez dans de meilleures conditions qu'à cette époque, gloire à Dieu. Or, êtes-vous libre de toute anxiété pour autant? Car, à bien réfléchir, on ne peut pas blâmer Dieu si nous sommes anxieux, car il nous dit de ne pas nous inquiéter. Si quelqu'un vous approchait pendant un de vos moments d'angoisse et qu'il vous disait « Ne vous inquiétez de rien », vous lui répondriez « Vous ne connaissez rien de ma situation. Vous ignorez ce que je pense et ce que je ressens. Vous ne connaissez pas toutes les épreuves que je dois vivre, ni toutes les expériences que j'ai dû endurer. Alors, ne me dites pas de ne pas m'inquiéter. » Cependant, c'est Jésus qui nous dit de ne pas nous inquiéter. Et si vous êtes un de ses enfants, il n'ignore rien de votre situation passée, présente ou future. S'il a dit de ne pas nous inquiéter, il avait certainement de bonnes raisons de le faire. L'accumulation de stress produit un état quasi permanent d'anxiété. Or, Dieu ne veut pas nous voir vivre dans un tel état. C'est pourquoi Jésus utilise des métaphores qui se rapportent à la nature qui nous entoure pour faire valoir ce point et apporter la vérité à notre cœur. Nous allons donc considérer ce passage à la lumière des événements qui génèrent de l'anxiété dans notre vie. Encore une fois, même si les images ne s'appliquent plus vraiment aujourd'hui à notre condition, les principes, eux, conservent toute leur force. Nous allons donc examiner ces versets d'un peu plus près. Jetons d'abord un œil au verset 25. Jésus présente son enseignement en mentionnant certains éléments qui provoquent des inquiétudes. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Dans ce passage, lorsque Jésus mentionne la vie, il fait référence à notre être tout entier, c'est-à-dire à ses dimensions physiques, spirituelles et émotionnelles. En d'autres mots, il considère notre vie au complet. Il veut nous faire comprendre que nous n'avons aucune vraie bonne raison d'être inquiets et de laisser notre vie être dominée par la peur. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Suivons le raisonnement. Si Dieu prend soin des humbles animaux qui sont les oiseaux, ne prendra-t-il pas soin de nous, à bien plus forte raison? Si Dieu aime assez les oiseaux pour les nourrir, ne nous aimera-t-il pas assez pour accorder de l'importance à chaque domaine de notre vie? Car nous avons de la valeur à ses yeux. Premièrement, une des causes principales à l'anxiété est la faible estime de soi. C'est pourquoi Jésus-Christ nous répète qu'aux yeux de Dieu, nous sommes précieux. Pouvez-vous vous faire le lien entre l'anxiété et une faible estime de soi? Cette dernière est parfois le résultat d'une enfance passée dans un environnement abusif. Peut-être avez-vous grandi dans une maison où vous étiez critiqué, parfois sévèrement, ce qui a eu des conséquences négatives sur l'image que vous avez de vous-même. En d'autres circonstances, la culpabilité à propos de nos actions passées peut jouer un rôle. Nous pensons, Seigneur, comment pourrais-je avoir de l'importance pour toi? Comment pourrais-tu m'aimer? Comment peux-tu t'intéresser à moi quand tu connais toutes mes erreurs passées? Et vous vous regardez alors d'un œil critique, car vous avez grandi dans ce genre d'environnement et vous vous êtes imprégné des messages qu'on vous envoyait. Il arrive aussi qu'on se sente insignifiant. Seigneur, comment pourrais-tu t'intéresser à moi? Je ne suis ni particulièrement intelligent, ni beau, et mon travail est bien ordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu aime tous ses enfants. Et si vous êtes devenu un de ses enfants en acceptant personnellement Jésus-Christ comme votre Sauveur, vous pouvez croire en cette promesse. Car notre Père céleste nous aime d'une manière inconditionnelle. Il s'intéresse personnellement à tout ce qui nous concerne. Une des raisons pour laquelle nous sommes inquiets est que nous oublions notre importance aux yeux de Dieu. Nous oublions parfois qu'il est pour ses enfants un Père céleste et parfait. Deuxièmement, nous tentons de changer des choses que nous ne pouvons pas changer ou nous essayons de modifier certaines conditions de notre vie sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par exemple, lisez le verset 27. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Une coudée est une valeur de mesure qui existait avant notre système métrique. En s'adressant à la foule qui l'écoutait, Jésus a dit « Lequel d'entre vous, par son anxiété, peut ajouter une seule heure à sa vie ?» Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un réponde, car personne ne peut ajouter ne serait-ce qu'une heure à sa vie, et surtout pas en s'inquiétant. Il est ironique de constater que, plusieurs siècles avant que la science médicale ait établi une relation entre l'anxiété, le stress, les maladies de cœur et les problèmes de santé mentale, Jésus a fait appel au sens commun pour montrer que l'anxiété n'est vraiment pas un bon moyen de rallonger sa vie, car elle affecte le corps humain. Pendant un moment d'anxiété intense, une personne éprouvera un sentiment de panique. Elle perdra alors le contrôle de ses facultés. L'anxiété peut tuer et elle provoque toutes sortes de problèmes physiques et émotionnels dans la vie d'une personne. C'est pourquoi Jésus nous dit de ne pas nous préoccuper des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, comme de rallonger la durée de notre vie. Dieu vous a donné une certaine durée de vie et vous ne pouvez pas la changer. Quand nous essayons de changer des choses qui ne peuvent pas l'être, nous éprouvons un sentiment d'angoisse. Nous ne pourrons jamais étirer notre vie en dehors du cadre que le Père a prévu pour elle, même si nous essayons. Nous n'arrivons qu'à créer un stress supplémentaire à essayer de changer des choses situées au-delà de notre faculté à les contrôler. Continuons notre lecture au verset 28. Jésus nous demande « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Pourquoi cela représente-t-il une source d'inquiétude pour vous? Pour nous, s'habiller ne constitue peut-être pas autant de problèmes que pour eux. Or, à cette époque, la nudité était alors considérée comme un signe de pauvreté et d'indigence. Toutefois, encore là, le Seigneur réitère sa pensée. « Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. » Par « filer », on entend l'action qui consiste à transformer un produit comme le coton en fil dans le but d'en faire un vêtement. Jésus veut nous faire comprendre que si Dieu habille et embellit une fleur comme le lys, qui bientôt grandira, se flétrira et mourra, pourquoi nous inquiéterions-nous de ces choses si ce n'est à cause de notre peu de foi? Troisièmement, nous manquons de confiance en Dieu et plus particulièrement en sa capacité à répondre à nos besoins, ce qui cause également une certaine anxiété. Si donc nous ne lui faisons pas confiance, nous serons encore anxieux du lendemain. Si Dieu répond aux besoins des fleurs, ne répondra-t-il pas à ceux de ses enfants? Quand nous considérons notre vie, pouvons-nous prétendre qu'il a manqué à ses promesses? Pourquoi Jésus nous lance-t-il cette épithète? Gens de peu de foi, au verset 30. Tout simplement, parce qu'en vérité, l'anxiété n'est rien d'autre qu'un manque de foi déguisé, un sentiment qui nous rend incertains et menacés. Et que faisons-nous alors? Nous devenons anxieux, inquiets, sentiment qui mène tout droit à la dépression quand nous pensons aux choses qui pourraient arriver. Comprenez-moi bien, il arrive effectivement que nous ayons à faire face à des difficultés réelles, mais souvent, nous sommes anxieux pour rien. Et l'anxiété est souvent pire que la difficulté elle-même. Et tout cela paraît bien futile quand nous prenons conscience que notre Père céleste prend soin de nous. Qu'avons-nous fait pour devenir des enfants de Dieu? Nous avons lu la parole de Dieu, la Bible, nous avons considéré notre vie et nous en sommes arrivés à la conclusion suivante. Dieu existe et il m'a certainement créé pour une raison. Un de ces jours, je vais mourir et je devrais lui rendre des comptes. Rien ne sert de me bercer d'illusions. Je sais bien que ma conduite de vie jusqu'ici n'a pas toujours été conforme aux attentes de Dieu. Mais la Bible affirme que Jésus-Christ est allé à la croix pour payer entièrement la dette de mon péché. Si j'accepte de le recevoir personnellement comme mon sauveur, je sais que, quand je mourrai, Dieu m'acceptera au ciel, non à cause de mes propres actions, mais à cause des actions de Jésus-Christ en ma faveur. Je décide donc de faire confiance à la parole de mon Père céleste, qui a promis de pardonner mes péchés et de me sauver. Je suis certain d'aller au ciel, car je sais que le sang de Jésus-Christ, versé pour moi sur la croix, a payé mon billet d'entrée. Si ce qui précède est vrai pour vous, et que vous êtes devenu un enfant de Dieu, ne vous paraît-il pas absurde de faire confiance à Dieu et de croire en ses promesses pour votre vie future avec lui après votre mort et en même temps de ne pas lui faire confiance aujourd'hui pour qu'il subvienne à vos besoins? Si vous ne pouvez pas lui faire confiance aujourd'hui pour un événement ou un besoin présent, comment pouvez-vous prétendre lui faire confiance pour votre avenir éternel? Vous ne pouvez pas présentement vérifier si Dieu tiendra sa promesse concernant votre sécurité éternelle après votre mort, mais vous pouvez certainement vérifier, dès maintenant, s'il est digne de confiance quand il vous promet de subvenir à vos besoins présents. Croyez-vous aux promesses de Dieu ou non? Si vous ne pouvez pas répondre oui à cette question, ne cherchez pas plus loin les raisons de votre anxiété. Si vous êtes anxieux et que vous permettez à cette anxiété de tenir votre pensée captive et de vous dominer, c'est comme si vous disiez directement à Dieu que vous ne lui faites pas confiance. Vous faites injure à l'intégrité de Dieu, à ses promesses, et vous remettez en question son caractère. Dieu a fait à ses enfants une promesse, on ne peut plus clair, dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Une foi véritable en cette promesse est absolument incompatible avec toutes les formes d'anxiété. Pourquoi tant de gens font-ils face à l'éventualité inévitable de leur mort avec autant de peur et d'angoisse, même les croyants? Parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu pour les petites choses tout au cours de leur existence. Et maintenant qu'ils arrivent à la fin de leur vie, ils ne sont pas préparés. Si vous êtes vraiment en relation avec Dieu, comme il le veut, vous lui ferez immanquablement confiance. Il est facile de comprendre pourquoi une personne qui ne croit pas en Dieu ou qui ne croit pas en sa parole ne lui fait pas confiance. C'est normal. Mais pourquoi nous, croyants, devrions-nous vivre dans l'inquiétude permanente? Est-ce à cause d'une mauvaise image de soi ou parce que nous essayons de changer des choses sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle? Peut-être est-ce parce que nous ne faisons pas confiance à un Père céleste qui nous promet de subvenir à nos besoins à sa manière et en son temps, et non au nôtre. Car, je le répète encore une fois, l'anxiété n'est qu'un manque de foi camouflé. C'est une façon de dire à Dieu que nous savons qu'il a promis cela, mais nous doutons qu'il tiendra parole. Lisons l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 32. « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens sont ceux qui ne croient pas en Dieu. » Revoici à nouveau le verset 32. « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Quatrièmement, nous le voyons dans ce passage, nous tentons de trouver la sécurité dans le monde et de nous satisfaire des méthodes des incroyants. Et quel est ce moyen? Les gens sont matérialistes. Or, Jésus nous exhorte à ne pas vivre de cette manière, car le païen ne possède aucune sécurité. Oh, il vous dira qu'il a des économies, une propriété, de l'argent, ceci et cela, mais c'est faux. Tout appartient à Dieu et le fait de ne pas croire en lui ne change absolument rien. Nous lisons tous les jours dans les journaux l'histoire de gens qui ont perdu fortune, position et réputation en un éclair. Eux aussi pensaient que cela ne pouvait pas leur arriver. Vous croyez peut-être, « Bah, tant qu'on a la santé, ça va. » Faux. Vous pourriez la perdre également. Quelle sécurité avez-vous en dehors de Dieu? Aucune. Jésus veut nous faire comprendre ceci. Notre Père Céleste connaît nos besoins mieux que nous et il n'est jamais pris de court. Ne vous laissez donc pas embarquer dans le train de ce monde. Ne cherchez pas à vous conformer aux attentes du monde ou à posséder autant que les autres. Ne cherchez pas à jouer leur jeu, car vous n'y trouverez aucune joie, aucune paix et aucun bonheur. Vous n'éprouverez qu'anxiété. N'est-il pas insensé de chercher à suivre le courant de ce monde quand nous avons le Christ ressuscité, vivant en nous à chaque seconde, jour après jour? Dieu nous a promis qu'il verrait à satisfaire chacun de nos besoins et il n'est jamais à court de ressources pour tenir sa promesse. Pourquoi donc resterions-nous prisonniers de l'anxiété? Dieu nous a donné sa parole. Aussi, il est insensé de chercher à pourvoir à nos besoins en utilisant les moyens du monde, car ces méthodes sont vides, nulles et impraticables. Examinons plutôt le moyen proposé par notre Seigneur dans sa parole au verset 33, toujours dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, toutes ces choses dont le manque nourrit souvent notre anxiété nous seront données en plus. Il s'agit d'une autre promesse de Dieu. Nous n'avons pas nous casser la tête en essayant de les obtenir par nos propres moyens. Elles nous seront données par Dieu. Cinquièmement, nous nous angoissons car nous établissons mal nos priorités. À quelle place figure le royaume de Dieu dans vos priorités? En première place, comme Dieu le demande? Ou en deuxième, en troisième, en quatrième ou en cinquième place? Voyons d'abord en quoi consiste ce royaume. Le royaume de Dieu n'est pas une entité géographique ou politique. Il s'agit plutôt du règne de Christ dans notre cœur et dans notre vie. Nous devons le rechercher en priorité en soumettant notre vie à Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître. Ensuite, nous devons lui permettre de nous rendre semblables à lui en sanctifiant notre vie. Et si nous sommes fidèles à notre partie du marché, que nous promet-il en retour? Toutes ces choses. Quelles choses? Toutes les choses dont nous avons besoin. Elles nous seront données. Nous n'avons pas à nous débattre, à nous morfondre ou à nous inquiéter. Nous n'avons pas sombré dans l'anxiété chronique. Si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, non seulement jouirons-nous d'une relation personnelle avec le Tout-Puissant, Créateur de l'univers, mais elle sera bonifiée de la délivrance de tout souci concernant nos besoins. Dieu tient tellement à obtenir toute notre attention qu'il est prêt à prendre en charge tout besoin qui pourrait nous distraire. En nous conformant à sa volonté et en lui permettant de transformer notre caractère pour nous faire ressembler à lui, il comblera nos besoins et encore plus, comme le dit le psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Nous avons un Dieu bon et aimant qui nous inondera de bénédictions à la moindre excuse, bénédictions préparées d'avance pour chacun de nous et qu'il tient en réserve. Comment expliquer alors un tel désordre dans nos priorités? Dieu nous demande de rechercher son royaume avant tout. Et quand nous laissons Christ régner dans notre vie, que nous le laissons travailler en nous pour parvenir à lui ressembler, nous n'avons plus à nous soucier d'autre chose. Il pourvoira à ce qu'il reconnaît être nos besoins. Quelle expérience merveilleuse, vivifiante et libératrice que de voir Dieu assumer la responsabilité de nous procurer les choses dont nous avons besoin. Nous sommes placés devant un choix. Ou bien Jésus-Christ dit vrai, ou bien il ment. S'il ment, il ne nous reste plus qu'à refermer notre Bible, à fermer l'Église et à faire autre chose. En revanche, s'il dit la vérité, nous commettons une gaffe monumentale en n'acceptant pas son règne dans notre vie. Cela veut-il dire que nous devons réussir parfaitement dans cette entreprise en tout temps? Cela veut-il dire que nous ne devons plus pécher? Heureusement, non. Dieu ne nous en demande pas tant. Il nous connaît trop bien pour cela. Or, Il est vrai qu'il permet parfois des difficultés, des épreuves, tout comme des joies et des bonnes surprises dans nos vies. Pourquoi? Afin que nous puissions concentrer notre attention sur lui, en nous débarrassant des choses vaines qui pourraient nous distraire. Avec le passage des années, Dieu nous sculpte et nous fait ressembler de plus en plus à son Fils, tout en respectant notre personnalité, et il pénètre de plus en plus profondément en nous, en nous faisant réaliser des choses sur nous-mêmes que nous ignorions. Il va jusqu'au plus profond de notre cœur. Il en touche les parties les plus intimes, afin encore une fois de nous faire ressembler à son Fils. Si vous êtes une de ces personnes qui va à l'église de temps en temps, qui lit la Bible quand elle en a le temps et qui prie quand le cœur lui en dit, pourquoi êtes-vous surpris d'éprouver de l'anxiété quand les événements prennent une tournure imprévue? Soyez donc soumis à Jésus-Christ, laissez-le régner dans votre vie. Faites-en votre priorité. Que votre but premier soit de lui ressembler, peu importe le coût, et vous n'aurez plus à vous soucier du reste. Mettez Dieu à l'épreuve dans votre vie dès maintenant. Et s'il tient ses promesses, donnez-lui la place qui lui est due, la seule, l'unique, la première. Si vous êtes aux prises avec le genre d'anxiété décrite par Charles Stanley, rappelez-vous que seul Dieu peut réellement vous délivrer de vos sentiments d'anxiété et de peur. Le fait de concentrer votre attention sur le Seigneur chassera à coup sûr votre anxiété. Nous n'avons aucune pilule, aucune cure thérapeutique ou aucun système de sécurité à vous vendre. Nous vous offrons seulement un remède gratuit contre l'anxiété que nous avons nous-mêmes testé. Et quand nous faisons face aux défis de la vie et que la peur de l'inconnu nous assaille, nous pouvons trouver le réconfort dans sa parole du psaume 91, versets 1 à 4. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » L'émission d'aujourd'hui vous a plu? Vous aimeriez en savoir plus? Aujourd'hui, l'Espoir offre aux assoiffés de la source de vie qui est en Jésus-Christ une occasion unique de parfaire leur connaissance de la Bible. Vous pourrez suivre ces cours sans avoir à vous déplacer dans le confort de votre foyer. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.